Quoi de mieux que de débuter votre soirée du mardi avec une réanimation des Undead Incorporated Show? Hein? Quoi de mieux? Vous avez raison, il y a plein de choses qui soient bien mieux que de débuter une soirée avec réanimation. Mais il n'y en a pas de pire par contre. Et comme je suis toujours à l'affût des plus mauvais traitements possibles, c'est donc la raison de la présence de ce Sinistros. Ce n'est pas qu'il soit foncièrement méchant, c'est plutôt dû au fait qu'il soit maladroit et surtout que si on se colle l'oreille sur sa tête, on peut entendre un tout petit, voire minuscule grelot rebondir d'une paroi à l'autre de son crâne simien. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin son assistant, surtout lorsqu'il me demande dans un élan de bonne conscience, « Docteur, est-ce que c'est bien ou mal ce que nous faisons? » Et que je lui réponds, « Oui, c'est bien mal ce que nous faisons au Sinistros. » Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. « Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated because we said so. We're gonna bury you alive. Go! » Eh bien, je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation, la dernière du mois de février en ce 27 de l'an disgrâce 2018. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement avec l'ignoble, l'épouvantable, le particulier, le damné, le pestilentiel, l'exécrable, le gigoteux, j'en pense et des meilleurs, c'est Lestros. Que de compliments. Je ne tarie point. Ah, c'est tellement touchant que ça me touche droit au bleu. J'en suis fort heureux, mon ami. Et puis, tu sais que c'était très sincère. Ah oui, aucun doute là-dessus. En ouverture de bloc, nous avons eu un petit bloc qui vous enterrait vivant puisqu'il était constitué de ce qui suit à l'instant Death Angel de San Francisco, California et la pièce Buried Alive tirée de Killing Season, leur cinquième album paru le 26 février 2008. En fait, qui a 10 ans, qui a eu 10 ans hier cet album. Sous étiquette Nuclear Blast, juste avant, nous avions Black Sabbath de Birmingham, la portion, en fait, l'alignement qui comportait Ronnie James Dio et la pièce Buried Alive, tirée de The Humanizer, leur 16e en carrière, paru le 30 juin 92 sur IRS, et en ouverture de bloc du Danemark, Merciful Fate, tirée de leur 7e et dernier album, Nine, Buried Alive. Tu veux, si t'aurais voulu mettre ton affaire encore plus hot que ça, là, t'aurais skippé Death Angel, t'aurais mis Venom Buried Alive. Ah ben non. Ça aurait fité encore plus. J'y ai pensé. Ah. J'y ai pensé, mais ça sonne tellement mal. Ben c'est pas grave, ça. Oui, ça sonne enterré. Ça aurait fité avec les deux. Ça sonne enterré, c'est vrai. Ça aurait fité avec les deux autres groupes, mais je t'en veux point. Mais t'as raison, j'aurais pu faire ça. Qui l'eût cru, Dr. Pendragon, qui a décidé de faire des blocs à saveur, comment je pourrais dire... Thématique. Oh ben ça m'arrivait à c'est quand je veux me forcer un peu plus. Oh, tu t'es forcé. C'est un effort surhumain dans qu'est-ce mon cas. Qu'est-ce que je pourrais en faire? Buried Alive. Ah oui, je vais taper Buried Alive. Ah tiens, voilà. Ben oui, pourquoi pas? C'est à peu près ça. Je le sais que c'est à peu près ça. Tu penses que je fais mes affaires? Ben je me rappelais par contre que Black Sabbath avait une pièce de Buried Alive sur The Humanizer. Puis je me suis dit, est-ce qu'elle est bonne? Je m'en rappelais pas. Je l'ai écouté, je dis, ah oui, c'est une bonne pièce. Ah oui, c'est une bonne pièce. Ah ben je vais tourner autour de ça. Ben voilà, t'as dévoilé mon secret qui en était un de polychinelle. ce soir, comme c'est la dernière émission de pas de l'année, pas à vie non plus, mais du mois. Sinon, pas vraiment pas celle de l'année. Mais vous savez que nous sommes présentement en train de faire la rétrospective 2018. Absolument. Comme je le disais, c'est la dernière émission du mois, donc évidemment, c'est la portion album marquant mensuel qui ce soir s'adressera un peu plus tard tout à l'heure à la formation Six Feet Under. Nous aurons des présentations à vous faire qui sont d'ordre de Master's Hammer, On Thorns Highly, ainsi que Greber, qu'on devait avoir la semaine dernière, mais faute de temps. Ils n'étaient pas là, ils n'ont pas pu se rendre. Ils n'ont pas pu se rendre. C'est ça, voilà. Il y aura la chronique aussi hors spectacle. Hors spectacle. littéraire. que je tire de mon TV Hebdo préféré. Nous avons le cahier central de réanimation ici. la chronique cinéma. C'est l'édition du mardi. la chronique cinéma et série télé, ainsi que petite chronique musicale, bien entendu. Mais sans plus attendre, parce que je vois qu'il trépigne devant moi. Non, alors, je ne n'en plus pas pouvoir. moi non plus, je suis plus capable non plus de toute manière. Eh bien, la semaine dernière, on avait eu comme une genre de petite devinette. Ben oui, est-ce qu'on va en avoir cette semaine? Non. Ben peut-être un petit peu. Je cherche ma souris, puis je ne la trouve pas. Ah bon? Bon, voilà, j'ai trouvé. As-tu trouvé notre On avait trois groupes avec trois albums différents, puis la devinette, c'était... Qu'est-ce qui relie ces trois albums? Oui, c'est vrai. C'était la dernière, ça. Hein, c'était en plein ça. La première étant fort niaiseuse, là. Oui, la première était très facile. Très facile. C'était juste pour vous montrer un exemple. Ah, OK, OK. Eh bien, lors de du lendemain... Lors de la dernière émission, le lendemain, j'ai lancé un appel à tous sur Facebook pour que les gens se joignent à nous directement sur la page. Alors, présentement, vous pouvez aller sur la page Facebook de Réanimation. On est live là-dessus. Ben, quand tu dis « on », c'est toi, parce que moi, tu sais, je touche pas ces trucs. Non, mais « on » explique à la personne qui parle. Non, c'est moi. Oui. D'accord. Alors, la devinette de la semaine dernière, il y a un petit futé du nom de Étienne Lemay qui a eu la bonne réponse. Ah oui? Félicitations. Et quelle est-elle? Ben, c'est... La question, je m'en rappelle pas. Non, tu t'en souviens pas. Qu'est-ce qui reliait Accept Stalingrad, Fear Factory Genesis et créateur Enemy of God? C'était le producteur Andy Snape. Ah, ben c'est pas facile, ben ça. Ben non, c'est, ben oui, la petite futée, il l'a eu, lui, ben petit oui. comique. Pourquoi il a fait comme moi? Il a-t-il Internet, lui aussi? Ouais, possiblement. Il doit connaître le métal archive aussi. Non, non, mais il y avait quand même un processus de recherche pour le trouver. Il y a eu un processus de recherche, effectivement. Andy Snape. C'est le producteur aussi de Firepower de Judas Priest. Le dernier album. Le dernier album. Qui est à venir. Là, c'est bientôt. Le guitariste de Hell aussi. On sait tous, les nouvelles sont sorties la semaine dernière. Glenn Tipton ne pourra pas faire partie de la tournée parce qu'il y a le Parkinson. Oui, ben en fait, il est là depuis un bon nombre d'années. Il a choisi lui-même son remplaçant, c'est Andy Snape. Fait que c'est là que je suis venu à la conclusion de faire un genre de quiz. Okay. Je suis parti de Andy Snape, puis je suis allé fouiller sur ses bébelles, parce que je savais que c'était un producteur fort prolifique. Okay. Je suis allé chercher trois albums. Ça n'a pas été très, très difficile. Là. Celui-là, tu finis, t'en valles plus. Ben oui. Fait que, non, ben, c'est, le concept est intéressant. Ben, c'est un grand mot. C'est pas le but de dire intéressant. Là, non, le concept est fort correct. Sauf que je te dirais que tu vas devoir rester dans la lignée de ta dernière question, qui était assez corsée pour faire travailler un peu les gens. Oui, bien éventuellement, c'est sûr et certain que là, la barre est élevée. Parce que, tu sais, donner l'exemple, quel est le rapport entre, exemple, Endless Pain? C'est Milly Petrozzo, je sais, c'est ça. Endless Pain, Pestilence et 1986. C'est pas ça. ils sont tous mal enregistrés. C'est Creator. OK, le drummer était peut-être pas tête non plus. Ben, semble-t-il qu'il avait remercié les membres de Destruction pour le deuxième album. Oui, c'est ça. Vous leur avoir enseigné comment pas être tête. Ouais, voilà. C'est très bon, ça. Je l'ai retiré, celle-là. Alors, les auditeurs qui ont entendu ça, bouchez vos oreilles, on va peut-être s'en servir éventuellement. Bon, ben, t'as un premier bloc à nous présenter, toi. Ben, oui, gardons ça, toi. Mm-hmm. C'est intéressant. Ben, si tu le dis, là. Non, c'est pas intéressant. Pas du tout. Est-ce qu'on passe à l'autre chose? Passons à un autre appel. Là. On va avoir un petit bloc qui n'a pas vraiment de lien entre chaque pièce, sauf que ces trois pièces sont très bonnes. Il y a trois groupes qui sont très, très bons. Mm-hmm. On y va dans un petit côté pas mal plus progressif. On reste dans le métal quand même assez extrême. Mm-hmm. Avec Hammers of Misfortune, on va avoir Ancients puis Enslaved. Alors, on parlait de Building with Fire la semaine dernière. Ben, je me suis dit peut-être que... Bah, c'est un bon choix. Les gens n'y verront que du feu. Bah, c'était... Oui, voilà. C'est excellent. Allons-y tout de suite avec Hammers of Misfortune. Vous êtes dans l'animation. The Velvet Inquisition. Go. Soif d'émergence avec nous, Auréane Clavet et Liliane Flynn, les pas sur table, tous les mardis de 16h à 17h sur les ondes de CIFU 89.1 FM. Ce samedi 3 mars, l'événement le plus chaud de l'hiver se poursuit avec les Nuits polaires. Pour l'occasion, des spectacles hip-hop feront vibrer le centre-ville de Trois-Rivières. Zach Zoya, Larry Kidd et À la claire ensemble performeront gratuitement sur la rue des Forges. Tous les détails au nuitspolaires.ca. C'est simplement une raison pour parler de musique. Tous les dimanches soirs, 19h, c'est fou, 89.1 FM. C'est Salut, Trifluvien et Trifluvienne, c'est Marc Gagné de l'émission C'est dans ta face. Là, je te fais passer du solide dans musique rock francophone. Fait que attache ta tuque, c'est dans ta face de 15h à 16h à la Radio Campus, c'est fou, 89.1. h 52, vous êtes à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show. Et on a un scoop pour les auditeurs. Oui. Notre ami Dominique No, oui. L'exotoxique, ben il vient de grand-mère. Oui, il nous a dit de pas le dire, mais il est trop tard. Too late, Dom. Eh bien, la présentation de notre ami Sinistros était déconstituée de quoi? C'était pas déconstitué. Déconstitué? Oui. C'est un mot, ça? Ben, ça en est un maintenant. OK. Allez. Hey, on a vu Enslaved avec Building with Fire. Ah, mais quelle excellente pièce. Eh oui. C'est vraiment excellent. Paru sur l'album In Times en 2016 sur Nuclear Blast. D'album en album, Enslaved devient meilleur de fois en fois. C'est le genre de groupe auquel je pourrais attribuer la qualité d'avoir une très belle évolution. Effectivement. Tout juste avant, on a eu la formation canadienne Ancients. Avec deux I. Oui, avec deux I, bien, parce que c'est encore plus vieux, tu sais. C'est ça. Oui, sûrement. Avec la pièce Pentacle, qui est parue sur le dernier album Voice of the Void, le deuxième, en fait. Elle est parue sur Season of Mist, en 14 octobre 2016. Puis on a commencé avec l'excellent Velvet Inquisition de Hammers of Misfortune, groupe américain... dans lequel a évolué Jamie Myers de Sabbath Assembly. Ouais. On a John Corbett qui a joué dans Slugfeg et un paquet de monde. L'album, c'était Dead Revolution qui est paru le 22 juillet 2016 sur Metal Blade Records. Miss Fortune, là, c'est-tu l'équivalent de Miss America, ça? Ben ouais, mais c'est plus riche encore. OK, c'est ça. petite chronique cinéma, série télé. Comme à l'habitude, bien entendu. D'ailleurs, ce que vous pourrez voir en salle à compter de vendredi, soit le 2 mars, c'est un thriller à connotation criminelle qui s'appelle Death Wish. Et je ne sais pas si ça fait référence au film des années 70 avec Charles Bronson. Faudrait peut-être aller voir IMDB. Ben peut-être, on ira voir. Vous peut-être là, cette histoire. Là, ça me le dit pas. Ben moi non plus. J'ai écouté la deuxième saison de Fargo. Et c'est vraiment excellent! D'accord. Ah, c'est vraiment, vraiment, là. Écoute, la première saison était fort surprenante, mais la deuxième, selon moi, est encore meilleure. Et c'est... On revient en arrière dans le temps et le dernier épisode, comme dans la première série, nous explique qu'est-ce qu'on va devoir s'attendre dans la troisième. Donc, c'est vraiment très, très bon, Fargo. Une série encore policière, thriller de Noah Hawley. C'est vraiment très bon. Et je vais commencer la troisième série probablement ce soir. Là. Bon, en fait, la commencer, oui, là, mais sûrement pas la terminer. Autre film que j'ai écouté, ben, j'ai écouté des trucs assez moyens, je te devrais dire, Sinistros, depuis la semaine dernière. T'écoutes juste des trucs assez moyens. Tu t'es pas gêné, toi. Ben oui, ben t'as raison d'une certaine façon parce que je me fais souvent avoir. Ben si j'explore tu devrais, beaucoup. Tu devrais pas te fier aux pochettes quand t'écoutes quelque chose. Ah, ça, c'est comme les vinyles dans notre jeune temps. Ah ben encore aujourd'hui, je me fie beaucoup à une pochette à savoir si je vais m'intéresser. Hey, la pochette est bien hot, t'écoutes ça, tu fais Oui, ça arrive souvent. Ben, c'est arrivé à quelques reprises. Oui, définitivement, j'en conviens. C'est arrivé entre autres avec ce film-là. Un film de science-fiction qui s'appelle Beyond Skyline, un film de 2017. Qui est de Liam O'Donnell, mais j'aurais dû me dire en regardant quel était le casting avec des noms comme Frank Grillo, Hugo Uwes et Johnny Weston que c'était probablement pas pour être extraordinaire. Les autres étaient pas à 12 piastres d'heure, certains. Hein? Les autres étaient à 7. Oui, c'est ça. Ça allait plus que minimum. Ben écoute, ça raconte l'histoire d'un père qui vient chercher son fils et puis qui sont sur le chemin pour s'en aller. Je sais faire quoi. Il découvre qu'il y a une invasion extraterrestre. C'est très maladroit comme scénario. Les extraterrestres étaient maladroits comme ça? Oui, ils ont fini par s'entretuer entre eux autres. Ils ont fini par s'en aller en voulant dire « j'ai rien à faire avec eux autres ». Non, ben techniquement, c'est pas si mal. Là. Écoute, pour un film de série B là, comme ça, je dois dire que visuellement, c'était quand même bien, mais le scénario est très, très faible et le jeu des acteurs est encore plus faible. D'accord. Donc, autre film que j'ai trouvé quand même, je suis encore ambivalent à dire si j'ai aimé ou non, c'est un autre film de science-fiction de Duncan Jones, c'est Mute, et qui raconte l'histoire d'un barman qui ne parle pas, qui est venu au monde sans parole et qui travaille dans un bar très interlope où il se passe beaucoup de choses dans un futur relativement proche. Et une serveuse qui travaille avec lui, ben, il y a une liaison avec elle, mais elle disparaît. Et c'est toute la quête qu'il fait pour le retrouver à travers la mafia russe de l'époque et ainsi de suite. Le scénario est fort correct à la base, mais c'est été développé très lentement. Il y a beaucoup de longueur, donc... encore là, je dois dire que la pochette était vraiment belle, mais le contenu n'était pas à la hauteur. Ah, c'est comme ça. C'est ça, voilà. Bon, ben c'est tout pour cette semaine pour le cinéma. C'est pas plus long que ça. Peut-être la semaine prochaine, on aura des pochettes super lettres, mais... Peut-être des bons contenus. Peut-être c'est ça. Des pochettes super lettres. Ben, qui sait, hein? Ah, ouais, c'est ça. On est rendu à la présentation de l'album marquant du mois. Puis j'ai une très bonne idée. Ben, c'est ça, j'en doute, mais vas-y, pareil. Pour les chers téléspectateurs qui nous écoutent présentement. Tu crois qu'il y a des téléspectateurs oui, qui nous oui, écoutent? Oui, oui, oui. Ben, tu sais, il y en a qui comprennent pas encore le principe, là, tu sais. Ils nous écoutent sur les Internet, fait que ça peut être. Oui. Bon, OK, c'est correct. Ceux qui sont live sur Facebook avec nous, je pense qu'il y en a au moins un. Il vient de grand-mère. Oui, on voulait pas le dire. Non, c'est excuse. Ça va être de partager vos opinions puis vos souvenirs face à l'album marquant du Dr. Pendragon. Ben oui, quelle bonne idée, tout à fait. Ben oui, c'est bien gentil d'avoir pensé à ça, Sinistros. Tu me feras penser de te donner une tape en arrière de la tête. Merci tôt. Beaucoup. Ben, je vous parle de Six Feet Under, effectivement, une formation qui vient de Tampa, en Floride, qui existe depuis 1993. Formation qui a changé régulièrement d'alignement, sauf pour une seule et unique personne, qui est le chanteur Chris Barnes, qui est là depuis 93 jusqu'à ce jour. On a revu passer au fil du temps des Terry Butler qui ont été d'Arbitrary. On a revu des gens d'Alan West, entre autres. Obituary aussi, Executioner, Steve Swanson, Kevin Towley de avec Suffocation aussi. Plusieurs musiciens dont le nom est attribué à un groupe qui a fait sa marque dans le monde du métal, principalement dans le monde du death metal, bien sûr. Et Six Feet Under, ben, le premier album est paru en 95. Il s'intitule Haunted, paru sous étiquette Metal Blade et, soit dit en passant, si je ne m'abuse, tous les albums de Six Feet Under, qui sont au nombre maintenant de, je crois que c'est 15, je vais vérifier, sont tous sur l'étiquette Metal Blade. Ils n'ont jamais changé d'étiquette. Donc, pour l'étiquette, pour Brian Slagle, c'est une valeur sûre. Pour moi, ça en est un peu moins une valeur sûre quand on est rendu dépasser l'album Crypt of the Devil, qui est le troisième avant-dernier. Ils sont fait exclusion, bien sûr, de Graveyard Classic 4. Ce sont des reprises que j'aime pas beaucoup. Parce que Torment, j'ai vraiment pas aimé cet album-là qui est paru en 2017. Je l'ai trouvé très, très, très, très moyen, très peu efficace et avec aucun impact. Moi, c'est quelque chose que j'avais quand même bien aimé. Ouais, mais toi, c'est pas ça. De référence, hein? Donc, puis je pense qu'on continue à croire que tu ne seras jamais non plus. Non, mais blague à part, il y a des albums qui sont vraiment très, très bons de Six Feet Under. Ben, faut aimer le genre, bien sûr. C'est du death metal, groove death maintenant, minimaliste. Là. Si je parle de Warpath, le deuxième, il est vraiment très bon. Maximum Valiant, c'est très intéressant. True Carnage, Bringer of Blood, c'est bien. Death Ritual, et je me rappelle que tu as bien aimé l'album, les albums Undead et Unborn. Oui, oui, oui. Oui. Qui sont vraiment très bons, d'ailleurs. Donc, je vous propose ce soir d'aller faire une exploration ou une réexploration, si vous préférez, une revisite de ce premier album qui est paru le 25 décembre 95, Haunted. On va écouter, si on veut, d'une certaine façon, ce qui serait la face A du vinyle ou la face A et B du CD. On va écouter les cinq premières pièces. On va entendre dans l'ordre The Enemy Inside, Silent Violence, Lycanthropy, Still Alive et Beneath a Black Sky. Six Feet Under, let's go.

Standards Advance. Oh no, you're excited. Through your lip is bald. Your stiff body is cold and still. Don't you feel yourself slip away? Your dead body will be a mortuary. No one will find you. By the wolf, no one of us. for human flesh. In the sea of blood, another victim. What is that?

14 groupes sur deux soirs mettant en vedette Despised Icon, Jungle Rot, Beyond Creation, Anonymous, Obey the Brave et Dayside. Billets en prévente à la Plus Rock, chez Metal Punk et en ligne au amphithéâtre-cocheco.com au coût de $46 pour un soir ou $74 pour les deux soirs, quantité limitée. Les 6 et 7 avril, c'est un rendez-vous à l'amphithéâtre Cogeco pour l'événement métal de l'année. Pour tous les détails, visitez le 3MMF.com. Vous souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes? L'émission L'Octrotteur est pour vous. Afrofunk, Fado, Bluegrass, Zouk, Ethio Jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CFU 95.fm. C'est à 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes assez brutes. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. 20h23, vous êtes toujours à réanimation des Handel Incorporated Show et on a eu la présentation du mois de l'album marquant qui s'adressait cette fois-ci à Six Feet Under et leur premier album, formation de la Floride, premier album paru le 25 décembre 1995 sur Metal Blade, Haunted. Entendu cinq pièces, les cinq premières pièces de l'album qui étaient dans le désordre ou dans l'ordre. C'est comme vous voulez, c'est l'Auto-Québec, c'est la même chose. Beneath a Black Sky, précédé de Still Alive, qui est toujours ma préférée de l'album. Lycanthropy, très bonne pièce aussi. Juste avant, Silent Violence, et en ouverture de bloc et d'album, The Enemy Inside. Très belle pochette pour Haunted. Et c'était l'époque où, justement, Terry Butler et Alan West jouaient aux côtés de Chris Barnes et Greg Gall à la batterie. Bon, ce qu'il faut savoir avec Six Feet Under, c'est que, évidemment, vous avez pu le remarquer, c'est un genre très très minimaliste, très simpliste, et le vocal de Chris Barnes est loin d'être le meilleur du monde du métal. Par contre, à la défense de Six Feet Under et de Chris Barnes, je trouve que c'est efficace et que Chris Barnes, dans ce mood-là, dans ce bloc de pourrait dire, dans ce cadre de groupe-là, fait parfaitement l'affaire et j'apprécie d'autant plus que maintenant, il a cessé de plus en plus de crier comme un cochon qui se ferait égorger. Donc, c'est beaucoup mieux. Le style plus groove qu'ils ont adapté au fil des années leur colle mieux aussi. Et je me rappelle pertinemment que la première fois que j'ai entendu l'album Haunted, à sa sortie en 95, probablement pas le 25 décembre, mais peut-être quelques mois plus tard, je m'étais dit, ben définitivement, ça porte très bien son nom parce que c'est de la musique de mort vivant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Semble-t-il, Sinistros, que d'après les commentaires que tu as sur le Facebook de réanimation, que c'est pas nécessairement la joie. Non, c'est pas la joie. Les auditeurs semblent s'ennuyer à mourir. Et ben, tant pis pour eux. Ben oui, tant mieux, voilà. Première présentation de la soirée. Au niveau de la nouveauté. Ben, un album qui m'a frappé quand même de plein fouet en ce maigre début d'année qui est légèrement... L'année est jeune. L'année est jeune, mais si on compare à 2017, l'année avait quand même frappé très fort avec... Non, t'as pas compris. Faut jamais se comparer à meilleur, mais à pire. Ah! OK. Bon. Mais 2018, on pourrait se comparer 2019 à 2018. On peut le faire. Oui, effectivement. Masters Hammer, formation tchèque qui vient de sortir son huitième album qui s'appelle Fascinator. C'est paru sur J.O. Sound Records. Masters Hammer se fait dans un style black metal expérimental, avant-garde, un peu disjoncté. Mm-hmm. Donc, exactement de la musique que j'aime. C'est très bien fait. D'accord. On amène une certaine structure musicale un petit peu bizarre, avec beaucoup de claviers de temps en temps, même qu'on va chercher certains éléments industriels. Tu devrais triper des bouts. Je veux savoir te dire ça. Il y a des choses un petit peu intéressantes là-dedans, puis avec des vocaux un petit peu plus ou moins standard, c'était mieux. Mm-hmm. Fait qu'avec des riffs incendiaires puis une production en béton, moi, c'est le premier album que je connais du groupe, puis c'est clair que je vais aller voir ce qui s'est fait par avant. Ben d'accord. On va entendre deux pièces que vous pouvez retrouver sur YouTube en passant. C'est des lyric vidéos qui ont sorti, donc dans le jeu, deux genres de singles. On va commencer avec la pièce titre de l'album, Fascinator et Linkola. Alors, allons-y. Linkola! Linkola! Master's Hammer! C'est la réanimation, let's go! Fascinovan, gira dal gli va col. Samedi 3 mars dès 19h30, l'événement le plus chaud de l'hiver se poursuit avec les Nuits polaires au centre-ville de Trois-Rivières. Venez assister gratuitement aux prestations de Zach Zoya, Larry Kidd, et du groupe À la claire ensemble. J'ai inventé une danse. Le tout pensait que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Pour tous les détails, au nuitpolaire.ca. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Baudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis. La sortie de secours est une émission de cuisine où chaque semaine, nous vous convions à apprendre des recettes comme le bourgeois rôti, le politicien dans sa sauce d'enveloppe brune ou encore le président aux Cheetos. La sortie de secours est à votre gauche. L'émission coquine d'affaires publiques, le jeudi 18h, en rediffusion samedi 11h, sur les ondes de CIFU 89.1. Vous souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes? L'émission L'Octrotteur est pour vous. Afrofunk, fado, bluegrass, zouk, ethio-jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CIFU 89.1. CIFU 89.1 FM. Sinistre comique. Eh bien, tout juste avant la pause publicitaire, nous avons eu droit à une présentation spéciale d'un album de 2018, huitième album de Master's Armor, qui s'intitule La Fascinator. Alors, on a entendu respectivement dans le désordre les pièces Linkola et Fascinator. Linkola, dans le fond, c'est du lait de chèvre au quick. Là. C'est du lait de quick au chèvre. Oui, c'est ça. Fromage de chèvre. C'est assez particulier. Hein? Oui, ben, c'est les amateurs de saille vont se retrouver un petit peu dans ça. Peut-être, dans ouais. Moi, j'ai plus de difficulté avec le vocal. C'est très particulier comme prononciation. Vous l'avions dit. Oui, tout à fait. Non, mais c'est pas... c'est intéressant. Hein? Moi, j'aime ça. Oui, mais ça, moi, je m'en sacre pas mal. Là. Je sais. Eh oui, on peut pas plaire à tout le monde, hein? Une Christie de chance. Ah, ça, je suis tellement d'accord avec toi. Deuxième présentation, c'est une formation qui vient de Cambridge, en Ontario. C'est un duo qui porte le nom de Grébert, qui, en fait, c'est un duo, un drummer, un bassiste, à laquelle s'ajoute quelqu'un qui fait du noise, ou des trucs, des bruits, si on veut. Pour ceux qui connaissent Grébert... Il y en a peut-être parmi vous qui sont allés voir le spectacle qu'il jouait à Sherbrooke il y a deux semaines, ouais, je crois. Ouais. C'est une formation qui donne dans... Écoute, je pense que je vais laisser les auditeurs se faire leur propre idée de ce style qui est relativement étrange. Alors, étrange. Bouchez-vous les oreilles et ayez une opinion. Oui, ayez une opinion. C'est ce qui compte. En fait, comment je pourrais dire ceci? Il y a du djent là-dedans, il y a du death progressif. C'est très particulier. Il y a du djent progressif. Ouais, voilà. C'est deux pièces tirées de leur album Cemetery Preston, qui est paru le 2 février, leur premier album, sur D7i Records. Je vous propose à l'instant les pièces Backhanded Interest et ainsi que Our Burnt Treasure, Grabber. Hey, how's it going? This is Mark from Grébert, and you're listening to Reanimation with Dr. Pendragon on CFOU 89.1 FM. We'll be right back. grass! La formation. Voyons. La formation. Très beau nom de groupe en passant. Grabber. C'est quoi le nom de ton groupe? Grabber. J'étais rendu où, moi, là? T'étais rendu dans. Ouais, c'est ça. Ontario-Cambridge. Formation ontarienne, Grabber, et deux pièces tirées de leur première parution qui portent le nom de Cemetery Preston. Pourquoi? J'en ai aucune idée. C'est paru le 2 février dernier sur D7i Records. On a entendu Our Burnt Treasure ainsi que la pièce d'ouverture de l'album Backhanded Interest. Moi, j'ai trouvé ça fort intéressant, je te dirais honnêtement. J'ai même donné une excellente note qui est de 8 sur 10. Ben, j'aime les affaires un peu weird, là, faut dire. Tu fais pas ça, toi, jamais. Non. Ben, j'ai une prédisposition pour le gent en partant. Puis comme je retrouve qu'il y a certains éléments, ben, ça m'a plu. On va devoir couper un petit peu court parce que finalement, on n'aura pas assez de temps pour tout présenter. Et je trouverais vraiment, mais vraiment pas gentil pour mon ami Sinistrose de devoir lui couper son deuxième bloc. C'est pas grave. Non, je trouve ça épouvantable de le faire. Je reprendrai sur autre chose. C'est sûr, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on va y aller avec une super devinette avec ce bloc. Ben même oui. Même s'il joue pas tout à fait en ancien. Ben, ça sera peut-être pas loin. On a trois groupes. Division Bleak, Bork Nagar et Arcturus. Oui. Mais il y a deux liens qui relient deux groupes. Oh là, celle-là, je la trouve. Ah ouais, difficile. Je pourrais pas te dire vite de même parce que je suis pas très familier avec Arcturus. Il y a un lien qui réunit deux groupes. Okay. Puis il y a un autre lien qui réunit deux autres groupes. Ah là, je suis tout mélangé. Ah, donc deux liens. À vous de choisir. Vision Bleak, Descend into Maelstrom, sur l'album Set Sail to Mystery. On va avoir Bork Nagar avec la pièce titre de l'album Winter Thrice. Et si on a le temps, on va terminer avec Arcturus, avec la pièce d'entrée de Arcturian qui s'appelle The Arcturian Sign. Pensez-y. Je vous rappelle que ce vendredi, ici même à C'est Fou, dès 11h, c'est pour les vrais amateurs de vrai rock. Rock classique avec le Rockmaster Alain Lefebvre, qui cette semaine se fera cavalier seul. Il présentera la deuxième partie du spécial 1978. Aussi, n'oubliez pas que cette semaine, ce vendredi, c'est l'émission de notre ami Subversion, DJ Tower of Death, sur les ondes de Underground Québec. C'est-tu encore vraiment Underground Québec? Ça serait une bonne question à poser à notre ami Tower. De toute manière, vous pouvez aller... Je crois que non. C'est pas revenu encore, je pense. Non, il me semble qu'il va directement... Sur SoundCloud. Il fait cavalier seul, dans le fond, il est rendu indépendant. Ouais. Ben, vous retrouvez ces podcasts en direct sur SoundCloud de façon très, très simple. Et aussi le blog de notre ami Sinistro sur lemort.com avec ses « fais ceci, fais cela ». Et c'est cela. On va se laisser sur les trois dernières pièces de Sinistro. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, nous vous présenterons le nouvel album de Necrophobic, Mark of the Necrogram, ainsi que le nouveau EP de Destroyer 666, Call of the Wild, et une formation montréalaise que j'ai découvert par l'entremise du guitariste Fred Bergeron, Trinity Blast, vraiment excellent. Donc là-dessus... Allez tous vous faire foutre! Bien entendu, let's go!